Au sein de ces anonymes, à la lueur d'un lampadaire, dans sa sueur, il n'y a pas d'air. Les larcins sont une énigme, le malsain a ses paradigmes. Les drogues tuent à la longue, un grog, des déprimes, un gong, et les capucins s'animent. Sa frime court de la Marne, trime un soir interminable, et en star, ça se réincarne. Dans un bar minable, il est trop tard, mais c'est la course. Vers le summum des boulevards, à place de la bourse, est à l'envers, au maximum, du regard de travers. À l'avare abaissé, les plus bavards ont encaissé. Bagarres et revers, certains cessaient à des berlines. Près des quais, certains ont cessé de traquer la CC pour braquer leur spleen, craquer pour de l'adrénaline. Suivre la coutume rendue ivre par son bitume, y vivre est une discipline. Mais des chartrons à la flèche, le problème diffère, c'est les mêmes que l'on défère. Peu de grands pas, trop en calèche. Cours pasteur, ces trottoirs sans éclairage. Pour de l'amour à 7 heures, les perdus sont en repérage. Au son du carrousel, on se croise à nos manières. Se toise dans nos parcelles, chacun son du sa bannière. Les pavés rues de la Roussel ont l'odeur de ses façades. De l'ardeur maussade, des dépravés qu'elle recèle. Certains y flairent les brefs cruels, rêvent de dépénalisation. Les feux de signalisation éclairent les ruelles. Des vignes, la clarté reprend ses droits. En aparté, même les plus dignes portaient la guine de cet endroit. Emporté par la rame, en balade sur un rail, certains paradent dans ses entrailles. Entre un carta, des mélodrames, une mascarade rue Sainte-Catherine. C'est des chiffres de vente, des sous-fifres qui se vendent de leur grade derrière une vitrine. Des dames sans cavalier qui se dégradent ces jours-ci. Du macadam à l'escalier, sans tangente, sans raccourci. Tous à courser par l'oseille, les devantures sans conseil, des mésaventures. On s'invente pour se ressourcer, on se supporte sans vergogne. Du miroir d'eau jusqu'à la porte de Bourgogne, tu peux y voir tous les credos. Certains ont la dent dure, mais à trois ils ont fugué, certains endurent. Étroit et froid comme la rue du Muguet, des toits, les pigeons font le guet. Autour des antennes, entre les proies que draguer tous ces vautours par centaines. Un plongeon des tentations, ça file à l'anglais sans filon. En pile à l'aise, les sensations de la glace dans un pilon. Le point névralgique, c'est l'hôtel de ville Péberlan. Coin sous tutelle, rien de magique, c'est un vaudeville en verlan. Tout tourne au piston, la noblesse surplombe le domaine. Bombe l'abdomen et laisse les ristournes au fiston. Tour à tour, ils fanfaronnent, fiers, ces farceurs t'apostrophe. La noirceur tombe sur la Garonne, retour à la première strophe.